Actes chapitre 3. Et comme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était à 9 heures, un homme boiteux dès sa naissance y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple, nommé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient au temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre ayant, avec Jean, arrêté sa vue sur lui, Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et aussitôt les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes. Et faisant un saut, il se tint debout, et marcha, et il entra avec eux au temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Et reconnaissant que c'était celui-là même, qui était assis à la belle porte du temple, pour avoir l'aumône, ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Et comme le boiteux, qui avait été guéri, tenait par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné courut à eux, au portique qu'on appelle de Salomon. Mais Pierre voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous l'œil arrêté sur nous, comme si par notre puissance, ou par notre sainteté, nous avions fait marcher cet homme, le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré, et que vous avez renié devant Pilate, quoiqu'il jugeât qu'il devait être délivré. Mais vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous relâchât un meurtrier. Vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité des morts, de quoi nous sommes témoins. Et par la foi en son nom a raffermi les pieds de cet homme que vous voyez et que vous connaissez, la foi, dis-je, que nous avons en lui, a donné à celui-ci cette entière disposition de tous ses membres, en la présence de vous tous. Et maintenant, mes frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos gouverneurs. Mais Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites par la bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Amendez-vous donc, et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés. Quand les temps de rafraîchissement seront venus par la présence du Seigneur, et qu'il aura envoyé Jésus-Christ, qui vous a été auparavant annoncé, et lequel il faut que le ciel contienne, jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses que Dieu, a prononcées par la bouche de tous ses saints prophètes, dès le commencement du monde. Car Moïse lui-même a dit à nos pères, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète tel que moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute personne qui n'aura point écouté ce prophète, sera exterminée d'entre le peuple. Et même tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tout autant qu'il y en a eu qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes, et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, disant à Abraham, « Et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous premièrement que Dieu ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en retirant chacun de vous de vos méchancetés.